que tu les dises. Tes bêtises, tu fais chier. Tu fais chier. Tu fais chier. Toute la journée, tu fais chier. Le temps que tu me dises. Le temps que tu les dises. Le temps que tu me dises. Tes bêtises, le temps que tu les dises. Tes bêtises. Tes bêtises. Et même quand tu me disais des fois. Et même quand tu me disais sur moi. Et même si tu n'avais pas le droit. C'est la même histoire. C'est la même. On avait dit quoi, une histoire sans toi? On avait dit quoi? 5 ou 300 fois, j'en ai marre de toi, j'en fais l'état. C'est la même. Tu fais chier, toute la journée, toute la journée. Ouais, tu fais chier, chier, toute la journée, toute la journée. Ouais, tu fais chier, chier, chier, toute la journée, toute la journée. Ouais. Ouais, tu fais chier, chier. Tu fais de la journée, toute la journée. Ouais, tu fais chier, chier. Toute la journée, toute la journée. Ouais, tu fais chier, chier. Toute la journée, toute la journée. Ouais, ouais, tu fais chier. On avait dit quoi? Une histoire sans toi. On avait dit quoi? Toute la journée. Ouais, tu fais chier. 300 fois, j'en ai marre de toi. J'en refais l'état. C'est la même. Ouais, tu fais chier, chier. Toute la journée, ouais, tu fais chier. Tu fais chier, chier. Toute la journée, toute la journée. Ouais, tu fais chier. On avait dit quoi? 5 ou 300 fois, j'en ai marre de toi. Toute la journée, ouais, tu fais chier. Tu fais chier. Tu fais chier. Tu fais chier. Ouais, tu fais chier. De la